Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'aventure sonore dédiée, consacrée aux expérimentations sonores, aux tonalités inclassables, aux musiques dites nouvelles que j'aime qualifier de merveilleuses. Comme les salles de spectacle ont repris leurs activités, le contexte vraiment s'y prête, vous l'avez remarqué, à la réapparition de nombreuses programmations artistiques, des expositions, des performances, des concerts, et je dirais que l'univers des arts sonores et des nouvelles musiques n'est pas en reste, et cela... Fort heureusement, l'occasion me semble donc fort belle d'accueillir ce soir Jeffrey Stonehouse. C'est le co-directeur, le nouveau co-directeur artistique du Vivier. Le Vivier, un organisme montréalais qui s'active sur la scène des nouvelles musiques depuis une quinzaine d'années, notamment sur le plan de la diffusion et de la sensibilisation des publics aux formes très novatrices que prennent aujourd'hui l'art des sons, la musique, vraiment au sens large et même au-delà de la musique. Mais d'abord, je vous présente Jeffrey Stonehouse, très actif comme flûtiste dans le milieu des musiques nouvelles. Jeffrey s'est produit au sein de nombreux ensembles, dont le NEM, directeur artistique de l'ensemble Para Mirabeau qu'on a présenté la saison dernière. Ben, il est demeuré à l'affût des courants et tendances artistiques très actuelles. Lauréat de plusieurs concours nationaux, Jeffrey est diplômé des Université McGill et Wilfrid Laurier, ainsi que du Conservatoire de musique de Montréal. Outre l'ensemble Para Mirabeau, Jeffrey Stonehouse collabore avec de nombreux ensembles, entre autres l'Orchestre métropolitain de Montréal, la Symphonia de la Naudière et l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Je retrouve donc Jeffrey Stonehouse chez lui, devant son écran, il y a quelques jours maintenant, pour discuter du programme printanier d'activités du Vivier, ce diffuseur et programmateur de spectacles qui rayonne depuis la ville de Montréal et dont la mission est importante. Elle vise à favoriser la connaissance et le développement des musiques nouvelles. Alors voilà, sans plus tarder, je vous propose cet entretien que m'a accordé Jeffrey Stonehouse. Jeffrey, grand plaisir de te retrouver. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Jeffrey, le Vivier, c'est un organisme qui se dédie aux nouvelles musiques. J'aimerais que tu nous parles un peu de son mandat, de sa vision. Oui, donc le Vivier est un diffuseur spécialisé en musique nouvelle et donc un collaborateur de très près avec le milieu des musiques contemporaines, non seulement à Montréal, mais aussi à travers le Québec. Le Vivier est formé d'une soixantaine de membres, donc ces membres sont des producteurs de spectacles en musique nouvelle, basés soit à Montréal ou en fait même en région de plus en plus au Québec. Les membres peuvent être soit des organismes ou aussi à titre individuel. Jeffrey, c'est tout nouveau, cette co-direction artistique. Il y a quelques mois, on a retenu la candidature de Julie Legault et la tienne pour prendre la barre de cet organisme. J'aimerais que tu me parles un peu de comment le travail s'amorce avec ta co-directrice. Quels sont vos projets, vos intentions? Oui, donc avec Julie, c'est un approche d'un tandem, en fait. Donc, à deux, on se partage la tâche de la direction artistique du Vivier. De mon côté, c'est plutôt Je suis responsable de la programmation grand public, des relations internationaux et aussi de la relation avec nos membres. Julie s'occupe principalement de la médiation culturelle, parce que ça, c'est vraiment un grand volet pour le vivier, et aussi son volet jeunesse. Jeffrey, le vivier vient de démarrer, je dirais, sa saison hiver-printemps 2022. On est autour de la fin février. Le programme est déjà amorcé. J'aimerais que tu me parles des projets qui s'en viennent sur le plan de votre programmation dans les prochaines semaines. Oui, donc bien évidemment un début de deuxième partie de saison assez mouvementée pour nous avec les mesures sanitaires changeantes, etc. Mais on est tellement content de pouvoir accueillir le public en salle. On veut vraiment rétablir cette espèce de lien sacré entre l'artiste et le citoyen. Nos salles de concert, c'est des espaces où on peut tous être ensemble, où nos différences sont plus là entre nous. Et donc, à partir de mars, le premier événement qu'on a, c'est vraiment un événement axé sur la relève. Donc, avec le Vivier interuniversitaire le 12 mars dans la salle MMR à McGill. Et ça, c'est vraiment un plein feu sur la relève. Donc, vraiment des étudiants de partout à Montréal qui ont de leurs œuvres jouées par d'autres étudiants. Par la suite, on retombe au mois d'avril et en avril, on le souhaite très, très fortement, une grande semaine d'accueil pour des artistes internationaux, donc de la France, de l'Italie, de l'Autriche et de l'Allemagne. Tout ça croisé avec de nos membres du Vivier, comme le Quatuor Quasar, et Bodzini, et aussi le nouvel ensemble moderne. Jeffrey, tu évoques, je pense, le projet de résonance croisée, n'est-ce pas? C'est un projet qui revient depuis quelques années, je crois. Ben, en fait, ça a eu lieu en plusieurs volets au cours de cette saison-ci avec les restrictions sanitaires. Ça voulait dire que le volet 1 était surtout une concentration sur des artistes locaux, et tandis que ce volet qui va avoir lieu en avril, c'est vraiment l'accueil des artistes qu'on aurait voulu accueillir en fait en automne, donc ça a été reporté au printemps, incluant l'Arsenal, qui est un ensemble italien sous la direction de Filippo Peruccio, Félix Spicer de la Suisse, la violoncelliste Séverine Ballon, le duo Doblinger-Nayrink de l'Autriche et le duo Electro Ottmayer-Ricker et les ensembles Urwerk et Flex de l'Allemagne. Le but de Résonance croisée, c'est vraiment de créer des dialogues avec nos artistes ici au Québec aussi. Donc, il va y avoir plusieurs programmes doubles qui seront présentés. Entre autres, j'ai mentionné l'Arsenal tantôt. Cet ensemble-là sera présenté en programme double avec le nouvel ensemble moderne. Et le public va avoir la chance de découvrir l'œuvre Arras de Kiko Devo, qui a été disponible en captation en fait l'année passée. Donc c'est l'œuvre qui a gagné le prix Azrieli. Kiko Devo, grande compositrice montréalaise. Et cette pièce-là qui est vraiment magnifique, je crois que vous allez pouvoir le partager avec vos auditeurs en fait. Oui, on va écouter un extrait de cette œuvre de Keiko Devo. Quel est le titre? Rappelle-moi le titre de cette pièce, Arras. Arras. Alors, on écoute ça. bien, je vois au programme de la saison en mai, il y a l'ensemble Super Musique et Chorale Joker qui s'amène avec un projet qui s'intitule Démantibulé. J'aimerais que tu me parles un peu de ce projet qui est mené par la compositrice Joanne Etu, n'est-ce oui, pas? Oui, absolument. Donc, Super Musique, des grands improvisateurs. Et Joanne Etu qui fait, je pense, un petit commentaire ici sur ce qu'on vit présentement au niveau de la société, l'isolement, tout ce qui se passe par rapport à notre quotidien qui est si changeant, mais qui nous coupe aussi des autres. Donc, vraiment un beau programme à découvrir. Ouais, dans lequel on va retrouver des créateurs dont, Joanne Etu, que j'ai nommé, il y a Maxime Corbeil-Perron, Jean de Rome qui vont se joindre à ce beau projet. Jeffrey, on va écouter un extrait du travail, des compositions de Joanne Etu et de l'ensemble Super Musique. Yeah. Jeffrey, il y a au programme du Vivier un événement qui s'intitule Planète Bonheur. Le titre est très beau. Tout ça créé autour des œuvres de Tim Brady, on dit de Brady's Works. J'aimerais que tu nous parles de ce projet qui est prévu en début mai, le 9 mai, pour être exact. Oui, donc en fait, deux soirs, donc le 9 et le 10, qui sont dévoués à la guitare électrique. Tim Brady, grand acteur du milieu des musiques contemporaines à Montréal, reçoit le guitariste et compositeur François Couvreur. Donc, il y aura un premier concert qui sera surtout un récital essentiellement solo de François Couvreur. Et le deuxième concert qui mettra en vedette Instruments of Happiness, qui est l'ensemble ATEM, donc un quatuor de guitare. Jeffrey, on va prendre le temps d'écouter une pièce de Tim Brady pour se mettre un peu dans l'atmosphère de ses créations de Brady, toujours extraordinaire à la guitare électrique. Alors, on écoute ça. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Je vous reviens très vite en compagnie du co-directeur artistique du Vivier, Carrefour de musique nouvelle, venu nous parler de son programme artistique printanier. Alors, à tout à l'heure. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, c'est La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1 et sur ckrl.qc.ca sur la toile. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement en faisant une recherche sur le web, ainsi que la plupart des émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute immédiate ou en différé. Là, c'est à votre guise. Alors voilà, je m'entretiens ce soir avec le co-directeur artistique du Vivier, Carrefour des musique nouvelle, Jeffrey Stonehouse. Je rappelle que le Vivier est un diffuseur établi à Montréal et qui a pour mandat de faire connaître et de faire rayonner les nouvelles formes d'expérimentation sonore et musicale. Alors voilà, on poursuit cette belle échange avec Jeffrey Stonehouse. Jeffrey, le programme printanier du Vivier, bon, on retrouve ce projet autour des œuvres de Tim Brady, et il y a également au programme cette artiste fabuleuse qui est Alexandra Tibbetts, harpiste de nouvelles formes artistiques. J'aimerais que tu me parles de ce projet à venir. Oui, donc Alexandra Tibbetts, une artiste très intéressante de la relève, qui a développé essentiellement un nouvel instrument presque, la harpe bionique, à l'aide de la technologie en fait. Alexandra crée une grande expérience qui mélange musique électro et l'harpe acoustique qu'on connaît bien en fait. Un travail très performatif. Oui, assez impressionnant à voir aussi, parce que elle joue son instrument d'une façon inusitée, disons. On va en écouter un extrait du travail artistique, de l'interprétation artistique de Alexandra Tibbetts. Jeffrey, cette saison, c'est une saison bien remplie. Il y a, je pense, parallèlement à ces présentations que vous souhaitez en personne, en présentiel, comme on dit maintenant, il y a tout un volet de présentation sur la toile, sur le web, en termes de spectacle. Alors, est-ce qu'on a là une programmation qui est assez ficelée ou s'il y a parfois un peu pas d'improvisation, mais où vous profitez de l'occasion pour présenter certains artistes? Oui, je dirais que la grande majorité en fait de nos spectacles sont disponibles soit en live la journée même des spectacles ou en différé sur le site du Vivier, donc levivier.ca. Aussi, on a vraiment un travail fort pour développer un volet de médiation culturelle cette saison-ci en virtuel. Donc, des rencontres le mercredi soir à 18h qui sont vraiment ouvertes à tous. Donc, en fait, ce mercredi, on va entendre des entrevues avec Walter Boudreau et aussi Marie-Chantal Leclerc du Quatuor Quasar. Une chance pour découvrir un petit peu les coulisses, on pourrait dire, des productions de la saison du Vivier. Ces rencontres se veulent à la fois groupe d'écoute, un petit peu structuré, mais aussi un moment pour découvrir les entrevues avec les artistes. Tout à fait, un volet extrêmement important. Jeffrey, ça complète notre brève rencontre de ce matin. Pour compléter le volet sonore, on va écouter un extrait d'une œuvre du Quatuor Quasar, qui est très actif sur le plan de la création et puis un allié, sans aucun doute, du Vivier depuis plusieurs années. Alors, Jeffrey Stonehouse, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. Merci à vous. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. J'en profite pour remercier chaleureusement Jeffrey Stonehouse de nous avoir brossé ce portrait captivant du programme de musique nouvelle du Vivier qui s'amène ce printemps 2022, programme dont vous retrouverez le détail sur le site levivier.ca. Pour clore l'émission, je vous propose l'écoute d'une création sonore de Vitalia Glova-Kitte intitulée We Are For A While. C'est une œuvre d'expérimentation sonore qui se retrouvera probablement au programme du Vivier au cours des prochains mois avec la participation de l'ensemble Architecte Percussion, un projet qui devait avoir lieu, qui a été reporté comme d'autres. Alors, ça sera surveillé. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL, le 89.1, pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Thank you. I have a pin for an eye. A pin for an eye, but how do you see? I don't know. I found the pin in the laundry bin. The laundry bin's no place for a pin. I made my legs from scraps and pegs. Which scraps are these? You speak of, please. Oh, you know. We love your legs, they stand apart. Apart from those bits you left at the tip. All of us together, by virtue of our parts, join at the hips with the welding scars and snap machines built for the dreams of flesh. Passing to pass, passing to pass, passing. We are for a while. We are for a while. We are for a while. We are. CKRL 89.1.